On va tout de suite enchaîner avec le très très attendu récap de la veille réalisé par Jeanne Sept. Tu voulais dire quelque chose, Antoine, on dirait. Non, réalisé un petit peu au déboté à la dernière minute, étant donné le temps qu'il nous a fallu pour récupérer les documents. Oui. Les enregistrements de Marie sans vouloir balancer. De Marie Janson, la co-directrice du Festival Archipel. Marie, si tu nous entends, on a quand même beaucoup aimé tes enregistrements et merci de nous avoir permis d'entrer dans la guérite pour les récupérer. Le récap de la veille de Jeanne. Bravo Jeanne. Merci. Est-ce que t'as déjà entendu un coquillage qui parle? Est-ce que t'as déjà entendu un coquillage qui parle? Est-ce que t'as déjà entendu un coquillage qui chante? Est-ce que t'as déjà entendu un coquillage qui chante? Est-ce que tu veux savoir ce que ça fait de lui tromper dans son? Tu veux savoir ce que ça fait de lui tromper dans son? Ça fait 8 trompettes. Est-ce que tu veux savoir ce que ça fait 8 trompettes en son? Est-ce que... Bah c'était jeudi. Et c'était cool. Thank you. Mais en fait, il a tout fait avec. Et pourquoi t'as mis des couleurs différentes? Hein? Parce que t'as des synesthésies, c'est ça? Hein? Oui. Ça, c'est un mi, le jaune, c'est toujours un mi. Le jaune, c'est un mi. Vous enregistrez, madame? Elle promène juste le bête. Ah oui. Do. Oh, il dit quelque chose, là. Il dit quelque chose. Do, ré, mi, ah, oui. Fa, ça, sol, c'était la. Important. Do. Et là, ça décroche. Ah, voilà. Et puis les demi, il n'y a pas de demi. Non, en noise, il n'y a pas de demi. Bonne nouvelle du jour, c'est que si on dit vodka, vodka, ce n'est plus de l'alcool fort. Oui. Ça, c'est une blague carambar. À Cruzet, il y a le carambar. Ah oui? Ouais. C'est un radio-zine. On la prend en live. On fera la bonne nouvelle du jour. Mais tu viendras avec ton nom. Quand elle est blague au bar. Oui, on va au bar. Ouais. Mais ils veulent de l'alcool. Enfin. Ils veulent quoi? Mais moi, je vais encore redire à Marion, comme c'était trop bien. C'était trop bien, Marion. Voilà. Merci, Jeanne.